Ou quand on a des gens qui font de réserve. Réserve a fini par gagner, comme fin de manger. Il y a dit pas besoin de connaître. Parce que moi-même, depuis à l'âge de 9 ans, ma maman, je vais me un jour sans pas manger. C'est dans mon sel, ma vie subit ça. Et maman m'a dit pas les mains. Maman m'a dit Maria Sibyl, elle a dit que ça va le faire. Là où est mon jour. Et sa maman m'a dit non, c'est ça. Je dis, ma chère, bon, pas que l'autre problème pour le faire. Étant donné tout le bagage dans la sans paix, n'a pas vendu un peu de bagage, je comprends. N'a dégagé nous. Après ma travail, je suis un n'a remplacé. Il y a des bâtons pour vendre, bâtons pour vendre. Il y aura les pères à vendre, il y aura vendu l'argent passé. Il y aura les pères matelas, il vendu l'argent passé. Il y aura les pères frigidaires, il vendu l'argent passé. Il y aura les pères radios, il vendu l'argent passé. L'arrivée même, révoquer mes bonnes, c'est lui-même qui a fait manger la dépilée. Lui révoquer mes gérants, c'est lui-même qui a séclé la boule. Ah, tout le bagage n'a la fin, bon bagage n'a pas la fin. Il y en a gardé là. Oh, pour l'autre moment, maîtresse qui a la barrette, il demande de l'argent caille, pas que c'est comme dans la poubé. Oh, je dis ma boîte à Iwa, ma boîte à Iwa. Mon vieux caille boit à pain, ma première nouvelle caille boit à la promenade sous moi, ma boîte à Iwa. Et quand tu joues pas sous côté, tu as loué, joue pas. Mais depuis que je suis entré dans la caille, je suis entré avec un petit nan, avec un petit nan bois bêche. Mais toute la nuit, fille a passé à dormir. Fille a prié, oh bon Dieu, quand elle est dans la situation, trouvez-moi. Quand elle est dans la situation, même Esther, ma dame est sous nan. Ti l'an bon ben de bon mwen. Ou si maman paret pou lwen. Nan etabye la saladi. El te pale mwen. Men pat son je jute gen pe kaban. Non pe frigide non. Se pon nan son nata. Maman la prepete vie bagay sa yo. Oh. E pi jo leve sorti. Let yo sorti baba. Jo al degaje nan la ria. E pi jo kontre avek mon kamarad. Kamarad di jo. Mba wo sak pase. Je dis mon chapeau, je ne sais pas, papa, de nos vieux jobs, pas trop parler, mais faut peut-être moi, il révoque moi. Son bien dit mon cher, maintenant des jobs là, papa. Laissez-moi le mettre dans une. Là, là, avec Joe, il mettait Joe dans le travail là. Oh, je voulais, Joe vient moi, Joe touche moi. Là, Joe touche moi. Et puis, il allait monter la caille. Là, il veut dire, chérie, mais Joe Marie, oui, il a vu les filles qui ne répondent pas, ni descendent. Joe dit, c'est ma route, Joe, oui, c'est ma route, Joe. Nous sommes touchés, nous passons faire provision, mais reste l'argent pour le barou. C'est alors, il a levé, il a gardé Joe, et puis il a embrassé Joe, et puis il a pris un bouche, il a pris Joe, la bras, il a pris Joe. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Ces jours-là, yo passe un bon journée. Bonne journée, yo mange bien correctement. Oh, oh, 3 mois pas passé. Bon, m'a dit, Joe, au compte ça qui passe. Affaire pour c'est moi-même qui parle de marché, qui a fait provision, qui a fait manger. Je ne suis pas capable encore, non? C'est pour capable, mon bon. Je dis, ma chère, mon malhonnête, comment venez-vous si après prendre ça me toucher? Ya? Comprends, il va même assez pour nous vivre dans la caille là, pour m'apprêter 5, 6, 7, 8, 9 dollars là dans le lit, mal payé au bon. Un bac est possible, puis il a dit, pas besoin de connaître, c'est pourquoi pas mon bon. Et puis tu as vexé, tu as dit, bon bon, non, bon bon. Maintenant, tu as un petit bon, tu as un petit bon dans le lit, lit, bon, lit, gras, aïe aïe aïe. Tu as senti le vin dans la plate, tu es à l'aise, tu as vu remonter, tu comprends, il remonter. Par contre, ça passe, maintenant tu as vu sortir, maintenant tu as un petit bon, non, il dit, allez, non. Même moi pour le mari dans pied table là, même bien provision dans faire manger, m'a fini. Joe même ça, Joe fait, Joe prend pour la fièvre. Il met ton compresse chico au sol avec l'aide vapeur sous tête lit. La frère là avait donné le mal, il parle de travail. On va dire t'en dedans. Petit bonhomme même ça, le fait trier pour le mettre dans du feu. Il tue pour lui tremper. La fri pour lui. Joe même a fait la navette pour cuisiner dans le coup d'un petit bonhomme par contre faire manger. Alors la prête la soi-disant pour l'expliquer petit bonhomme ça pour le faire. Si bonhomme est intelligente, qu'elle est. Bonhomme vient d'Afrique, il prend un petit soucoupe. li pon ti zizye, li bet nan souk plal pou del badjo. Dwa di wo, ma pa augmentation, ma pa augmentation, paske mwen pou fè travay yo. Ti bon nan de bèm siye, ta kontan ou siye. Aïe aïe aïe. Oh, tu as poule manje ti viande frit, ti viande frit. Yon jou madan jo leve la fèche veni. Et puis, je suis d'abord cuisine. Par contre, ça passe et d'autres, on l'a monde qui monte et lit. Pop, il est de mettre du bonheur. Il faut école en bas, l'office là. Et puis, on va faire du bonheur. Radiographie, radiographie, radiographie, radiographie. Mais je dis qu'on a un petit garçon qui est un petit bout de chemisette. Il a des petits cabrettes dans le menu, on va prendre un petit code là-dedans. Alors, il a viré, on a qu'à la brûler. Aoua, aoua. Ah ouais, et puis j'ai petit là tombé sous papa, en bas l'office là qui a fait petit bon dans la radiographie. Ou contre Timon, petit là elle est beau. Mati, Mati, Mati, Mati, Mati. Pendant ce temps là, j'ai même besoin petit là, il est sale sur toi, ni pour pas répéter sale ta prévédé. Dis pour petit là, mais sous un poli, il regarde notre idiot. Ma pache sous les football pour vous, ma peine ou à jouer dans la résine, ou à venir nous jouer sélectionner, ou à voyager, ou à faire grand jouet, tout qu'on a pour elle. Alors, face au petit la capa, pile, bagaille là, il traverse dans la boutique en face. Là, il achète deux petits sachets bonbons. On va déchirer des bonbons. Un pile pour nous mettre dans la bouche, Tidjo. Tidjo m'a pris les bonbons. Niam, niam, niam, niam. Ma p'ti. Ma p'ti. Ma p'ti. Ma p'ti. Ma p'ti. Ma dit, pendant ce temps-là, maman vient paraître. Maman dit, Tidjo, viens raconter maman ça qui est, viens dire maman, viens dire maman ça qui passe. Je dis, comment ça passe, madame, je m'en vais. Ouais, Tidjo, si je quitte Tidjo, je me rends à l'ensemble avec vous. Tidjo, pas de façon. Petit à ma pète, il dit, pas de façon. Une série de bagages qui passent depuis des mois dans Kaila, ou après les petits là pour venir dire, ou pour venir raconter, ou ma petite qui pour dans un, dans tripotaille. Maintenant je dis, oui, imbécile. Petit là, même jazz là. M'a dit, m'a dit, m'a dit. À la fin, tu es vexé, tu es même venu, non? Vite, dis maman, ça passe à non? On sait que les balles qui passent depuis des mois dans le pays là. Depuis des mois, vous pensez que vous avez la photo, mais dis maman, dis maman, tout dis maman. Petit là, dis maman, souhait. Maman, souwe maman, samedi ou ta fait avec voisin l'autre jour, c'est lui moi papa ma fati bon nan. Son gris montagne même ma baou.